Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques tous les jours à 14h dans la série Culture Science, toujours en direct du studio 10 numéro 1 de la Maison de la Radio, de la Maison Ronde, bonjour à toutes et bonjour à tous. À notre sommet aujourd'hui, eh bien, nous allons réorganiser et observer l'avènement de l'atomisme, de sa réalité, je mets des guillemets, parce qu'on va voir que la chose peut être problématique. Et puis on va voir aussi, à la suite de ça, un certain nombre de points d'épistémologie, en particulier sur la question du relativisme, qui peut être opposé au réalisme. Bref. Nous allons observer toutes ces choses avec un physicien qui s'appelle Hubert Krivine et qui a travaillé longtemps dans les statistiques. Il va nous expliquer ça tout de suite, bien sûr, mais nous allons, comme à notre ordinaire, passer à la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je poursuis ce feuilleton qui concerne les primates. Et oui, les primates, tant les études qui concernent ce groupe sont nombreuses et passionnantes. Aujourd'hui, il s'agit du mone de Campbell, alias Cercopithecus campbelli, que d'autres encore nomment le Certopithèque de Campbell. Ce petit primate exhibe un triangle gris sur sa face, très joli, qui surplombe une bouche toute rose, et dont l'un des principaux cris d'alarme est le son crac, crac. Depuis longtemps, les éthologues tentent de déchiffrer l'expression animale. Certes, ils ont observé les gestes, les chants, et maintenant surtout les cris. Et les singes font l'objet, bien sûr, dans ces études, d'une attention particulière. Les cris du titi sud-américain, c'est son nom, le titi sud-américain, ou du vervet de l'Est africain, ont été enregistrés, décomposés et même reproduits en forêt pour tenter d'en étudier les effets et d'en comprendre la signification. Puis, une équipe conduite par le linguiste Philippe Schlenker a franchi un pas de plus dans cette enquête et pour la première fois, son enquête a appliqué les méthodes de la sémantique formelle à un système de communication animale. Cette fois donc, sur les cris, à nouveau donc, d'alarme du mone de Campbell. Le mone de Campbell. Après les premiers résultats publiés en 2009 par les primatologues qui avaient entrepris donc cette étude comparée dans deux sites africains, les linguistes ont pris le relais. Et leurs conclusions sont tout simplement saisissantes. D'abord, le langage des Campbell présente une distinction entre racines et suffixes. Et c'est par la combinaison de ceux-ci qu'ils décrivent la nature et surtout, la dangerosité d'une menace. Dans la forêt de taille, la célèbre forêt de taille en Côte d'Ivoire, Hoc alerte de la présence d'un danger aérien grave, un aigle par exemple. Que la menace soit moins sérieuse, une chute de branche par exemple qui fait un bruit, ou bien que cette menace s'atténue, alors on entendra le primate dire Hoc ou. Autrement, autre exemple, un léopard cette fois s'approche, c'est terrestre, danger terrestre donc. Le Campbell lâche une succession de cracs, une alerte moins précise, moins dangereuse, se traduira par des cracs ou. On voit bien donc là la combinatoire entre le premier terme et son suffixe. C'est en comparant ce lexique avec celui des Campbell de l'île de Tiwai en Sierra Leone que les linguistes ont vu apparaître la fameuse variation. Le même vocabulaire s'y trouve employé pour ce qui est du hoc et hoc ou. Le sens ne varie pas, mais crack prend une signification plus large, alerte sur tout danger sérieux, y compris les aigles. Y compris les aigles, donc le terrestre et l'aérien. La raison ? Eh bien, l'environnement, suggère Philippe Schlenker, l'un des linguistes, encore une fois, donc de l'étude, car les léopards ont disparu de l'île de Tiwai depuis plus de 40 ans. Comment s'est faite cette différenciation ? Le linguiste met en avant la théorie dite des implicatures, chère à la linguistique. Un mot est enrichi lorsqu'il entre en compétition avec un autre. Ainsi, par exemple, les couples possibles, ou certains, ou encore « ou » qui entrent en compétition avec « et » ou « et ». À condition que cet enrichissement soit utile. D'abord, alarme générale, crack aurait acquis un sens d'alerte terrestre grave par compétition avec crack ou crack et hoc. Enrichissement perdu cette fois sur l'île de Tiwai, une fois le léopard, lui, disparu. Cet exemple, si on le regarde bien dans le détail, montre peut-être qu'un nouveau continent d'enquête vient de s'ouvrir. Comment l'appellerait-on ? Tout simplement, la linguistique primate. Eh oui, la linguistique primate, la linguistique des singes. Bonjour Hubert Crévin. Bonjour. Je ne dirai pas hook parce que je n'ai pas peur de vous. Vous êtes le bienvenu. Et vous n'êtes pas guépard et vous n'êtes pas un aigle. En tout cas, vous êtes un auteur et vous êtes un physicien. Et l'auteur a écrit « De l'atome imaginé à l'atome découvert » avec le sous-titre, c'est pour ça que dans mon petit sommaire, je disais que nous aurions deux ans, « Contre le relativisme ». Alors, tout d'abord, quelle discipline pratiquez-vous, Hubert Crévin ? Maintenant, je pratique celle de la retraite, qui n'est pas oui. désagréable, mais avant, j'étais enseignant-chercheur, oui. à la fois à l'Université d'Orsay et à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Oui. Comme enseignant, j'ai enseigné pas mal les mathématiques pour physiciens. Oui. Et comme chercheur, j'ai fait surtout de l'étude de fragmentation nucléaire. Fragmentation nucléaire. On envoie un proton à la vitesse, presque à la vitesse de la lumière sur un noyau, il se casse, et on étudie un peu les morceaux de cette cassure. D'accord. Alors, deuxième question aussi, qui est une question de principe, réponse courte à ma question très courte, parce que ça va être notre compagnon, ça va être celui qui va être une des sortes de fils rouges importants de notre propos, puisque nous allons remonter le fil de cette acceptation universelle de la notion d'atome. Qu'est-ce que ce nombre d'Avogadro, qui est, comme on le verra plus tard, une constante ? Alors, petite définition, juste pour l'aborder, parce qu'on va le fouiller de fond en comble, ce nombre, et puis sa loi d'Avogadro, Avogadro, physicien italien. Bon, il y a une définition très propre, très précise, des sciences scientifiques, mm-hmm. c'est le nombre d'atomes réels contenus dans 12 grammes de carbone 12. Voilà, ça c'est la réponse. Peut-être, si vous me permettez un tout petit commentaire là-dessus, ce Bien nombre sûr. Est colossal. Oui, dites-le déjà. C'est de l'ordre de 10 puissance 23, eh oui. c'est-à-dire de centaines de milliers de milliards de milliards. Oui. Personne ne peut imaginer un tel nombre. Et il a une importance colossale. Ce qui est important, c'est sa dimension. Parce que si vous voulez, toute la physique habituelle que nous connaissons, elle est faite en calculant avec ce nombre, et à la limite, on dit n, nombre d'Avogadro, tend vers l'infini. C'est ce qu'on appelle la limite thermodynamique. Toute la physique habituelle, elle est construite là-dessus. Et donc, science de la chaleur, thermodynamique, oui, science de la chaleur. C'est ça. On suppose n infini. Oui, voilà. C'est ça. Donc, les linéaments, comme on va le voir rapidement, après avoir fait ce que vous appelez quelques exercices de gymnastique physique, on va rappeler. Peut-être un mot là-dessus, oui, les gens n'ont pas l'habitude. Ce nombre est si grand. Oui. Que deux fois ce nombre ou trois fois ce nombre, c'est la même chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. C'est-à-dire, en gros, j'ai dit 12 grammes de carbone, c'est le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone, mais oui. plus généralement, prenez une quantité quelconque de matière, entre 1 gramme et 10 kilos, il contient, et quelle que soit la matière, il contient de l'ordre de 10 puissance 23 molécules. Oui. C'est ça qui est important à retenir. C'est l'ordre ça. De grandeur est là. Voilà. Alors, on a bien noté que vous avez dit molécules, vous n'avez pas dit atomes. Ça aurait pu être atomes aussi. Oui. Non, c'est pas gênant. On peut continuer. Et vous n'avez pas dit mol, dont on viendra après. On y viendra après. Alors, petit digest, on va dire, pour parler franglais quelques instants. Structure de la matière, allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'atome? Eh bien, on trouve un noyau. Voilà. Qu'est-ce qui compose le noyau? Alors, on sait maintenant que le noyau est composé de neutrons et de protons. Je vais pas quand même faire un cours de physique de lycée. Il y a des neutrons et des protons. On sait même que les neutrons et les protons ont une structure interne avec des quarks. Enfin, c'est une affaire de plus en plus compliquée. Mais en gros, il y a des protons et des neutrons qui sont liés. Et autour de ce noyau gravitent des électrons à une distance colossale par rapport aux dimensions atomiques. On a longtemps donné comme image le système planétaire. Le Soleil, ce serait le noyau, et les électrons, ce seraient les planètes. C'est une mauvaise image, mais enfin, grosso modo, elle parle un peu. Les vulgarisateurs en proposent 1000, ça serait plus petit qu'une tête d'épingle, au milieu de 15 terrains de football, quoi. C'est à peu près la différence, quoi. Ouais. Conclusion, ça n'est que la matière n'est qu'une affaire de vide. Oui. De grand vide, d'une certaine façon. Contrairement à Aristote, qui n'y croyait pas. Oui, et qui, bien sûr, et que ça a duré longtemps aussi, ça a duré même très longtemps. Et Pascal est venu et a remis les choses en ordre, au moins pour ce qui était de l'atmosphère, en tout cas, et du vide possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce petit digest de culture physique, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme leur nom l'indique, les atomes sont insécables, si j'ose dire non coupables, mais enfin c'est peut-être un peu ambigu en français, avec l'énergie chimique. Et donc, mais maintenant, avec l'énergie nucléaire, c'est des énergies des millions de fois supérieures à l'énergie chimique, on sait casser des noyaux. Bon, c'est la bombe atomique, la bombe à hydrogène, tout ça, sont des noyaux qui se cassent. En tout cas, il y a une force qui maintient entre eux les neutrons, les protons, et puis bien évidemment et surtout les quarks qui sont à l'intérieur et qui font tout à l'envers, puisque de toute façon, ils sont composés d'une interaction qui s'appelle l'interaction forte et qui fait que plus on tire dessus, plus c'est un... Voilà, ils se rapprochent. Ils font tout l'inverse. Alors, là encore... d'une certaine manière, c'est une sorte d'adage qu'on répète à chaque fois. Tout ce qu'on va dire est contre-intuitif, d'une certaine façon. Ça va être descriptif, mais d'une certaine manière, ça va être souvent très contre-intuitif. L'humanité a mis 15 siècles pour accoucher de la théorie atomique. Oui, c'est bien pas sûr. Avec des grands savants. Alors, je crois qu'on n'a besoin de rien d'autre. On ne va pas, évidemment, expliquer un certain nombre de d'interaction, type de force, on est cité une, bon, l'interaction forte à l'intérieur du noyau, mais bon. Alors, vous dites que, ou plutôt, sous forme de question, pourquoi si longtemps, vous faites dans votre ouvrage, mais on va passer, puisqu'il faut aller au plus vite, il nous faudrait longtemps, mais pendant très longtemps, la notion d'atome a été discutée, et en même temps aussi, il y a eu des promoteurs, on peut bien évidemment penser à Leucippe, parmi les premiers, évidemment la splendeur du poème de Lucrèce, qui est un atomiste... convaincu et matérialiste. Et matérialiste, absolument, où le ciel est vide. Totalement vide. Aristote, lui, était anti-atomiste. Et comme, d'une certaine façon, à partir, grosso modo, et surtout avec François d'Aquin, l'aristotélicisme est devenu la grande doctrine, à tout le moins physique, de la chrétienté, eh bien, le vide interdit, les atomes, ça n'existe pas. Donc, il y a une liste. Oui. Il y a une autre raison quand même. Oui, bien sûr. C'était très lié au matérialisme épicurien, à la débauche et à toutes ces horreurs. Évidemment. Et puis une troisième raison, plus importante je pense, c'est que l'atomisme interdit la transsubstantiation. Oui. C'est-à-dire la transformation du sang du Christ en... du vin de messe en sang du Christ et de l'hostie en chair du Christ. Oui. Parce que si les atomes existent, c'est pas possible ça. Galilée avait quelque attirance d'ailleurs, parce que se joue bien sûr soit de position, il faut voir que encore Paul VI en 1965, je vous cite, en tout cas c'est vous qui donnez ça dans vos... J'en prends responsabilité. Voilà. qui dit en 1965, attention, il y a un mystère, vous devez l'admettre, hein, c'est comme ça, la transubstantiation du corps du Christ dans des substances différentes, hein, ça existe, c'est un mystère, et surtout, silence à la raison, que la raison se taise. Donc évidemment, de toute religion dite naturelle, interdite, hein, dans ce cas-là, et Galilée disait, bon, on peut peut-être admettre qu'il y a une interprétation littérale, et puis une interprétation peut-être... Alors, l'interprétation littérale, c'est celle de Paul VI, et puis il y a peut-être une interprétation métaphorique. Hein. Voilà. C'est d'ailleurs pas pour Copernic hein, qui a été le plus embêté, c'est peut-être pour ça, non, d'une certaine manière. En tout cas, Jordan, je ne sais plus. Qui était Galilée. Pour son atomisme présumé. Ah oui, il a peu écrit hein, là-dessus. Hein. Oui. On sait qu'il était atomiste, mais il a peu écrit. Donc je connais mal... et je ne crois pas qu'il se soit posé le problème de la transubstantiation. Mais les papes y ont pensé. Oui, les papes y ont pensé. Alors, il y a, on arrive dans la période moderne, si vous deviez faire commencer avec cette précision, Hubert Krivine, que et ont eu une recherche concernant la réalité, la nature possible des atomes, et les chimistes, et les physiciens. Et qu'on peut découper les choses comme ça, et après vous allez expliciter. Grosso modo, on voit avec Bernoulli une position atomiste qui vient des physiciens, dans ce cas-là. Et puis par ailleurs, il y a tous les chimistes. Ils ne s'entrelisent pas, curieusement. Oui. Et donc, début, fin 18e, un physicien pose la question. Et puis après, c'est vraiment un débat entre chimistes. Et puis après, les physiciens s'en emparent. Et là, c'est par les physiciens que, bien sûr, la solution va être... définitivement trouvé, élaboré, et la réalité des atomes va être affirmée. Pourquoi ? Quel est votre sentiment ? Est-ce que c'est une question de sociologie, de la discipline ? C'est une question facile. Hein. Pourquoi ils ont si peu communiqué ? C'est vrai que c'est étonnant. Boltzmann, qui était un des plus farouches partisans de l'atomisme, oui. S'est pratiquement jamais revendiqué des travaux des chimistes, de Dalton. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. C'est une bonne question, mais je ne peux pas y répondre. En tout cas, on peut le constater, effectivement, ah, oui. Puisque vous les distinguez. Hein, oui. Il y a le moment de Dalton, il y a le moment des chimistes, et puis il y a le moment de ce qui va être élaboré comme loi d'Avogadro-Ampère. Hein. Alors, on peut peut-être faire démarrer les choses à cette loi, si vous voulez bien, Hubert Krivine. Bah, le point de départ des chimistes, je pense à Dalton, c'est de considérer que il faut toujours que pour fabriquer, par exemple, de l'eau, il faut toujours des rapports fixes de matière et des rapports simples. Il faut, par exemple, l'eau, c'est H2O, donc il faut 2 grammes d'hydrogène et 16 grammes d'oxygène. Bon, toujours. Pour fabriquer du gaz carbonique, il y a aussi 12 grammes et 32 grammes. Donc, c'est des rapports simples. Donc, l'idée de Dalton, c'était de dire ces rapports simples qu'on voit au niveau macroscopique sont le reflet de petites unités indestructibles au niveau microscopique. Et qui pèse dans le rapport de ce qu'il faut au niveau macroscopique. Bon, donc c'était ça son point de départ, et ça marchait relativement. Mais l'objection qui lui a été faite, c'est de dire, bah tu n'en sais rien finalement, tu n'es pas capable de nous montrer des atomes. Et Dumas, par exemple, qui était un grand chimiste quand même, disait « il ne faut jamais aller plus loin que l'expérience ». Donc on n'a pas le droit de faire appel à des quantités hypothétiques parce que ça nous arrange pour expliquer les phénomènes. C'est ça. Entre parenthèses, si on se souvient de l'affaire de l'éther, c'est pas une objection stupide. Les physiciens ont longtemps cru à l'éther parce que ça les arrangeait. Bien sûr. Ils l'ont jamais vu. Et ensuite, ils ont appris qu'il n'y en avait pas grâce à Einstein. Oui. Donc c'est pas une objection stupide, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais dans ce cas-là, pour Jean-Baptiste Dumas et quelques autres, ce sont des êtres de fiction bien commodes, et à la limite, vous nous les sortez d'une certaine façon, de manière ad hoc, pour, du chapeau. Hein, voilà, vous nous sortez du chapeau comme une espèce de malice. En tout cas, revenons à cette loi d'Avogadro qui dit que, et d'Ampère, donc, des volumes égaux de gaz différents à même pression et température contiennent le même nombre de molécules. Oui, c'est étonnant parce que ces molécules sont très différentes les unes des autres. Si c'est de l'hydrogène ou de l'oxygène, ça n'a rien à voir. Donc nous, maintenant, on comprend bien pourquoi. C'est parce que dans les gaz, la taille des molécules est si petite que ce soit de grosses ou de petites molécules, c'est dérisoire par rapport aux dimensions de l'enceinte. Oui. Mais cette loi tombe en défaut si les pressions sont colossales, par exemple. Hein. Donc c'est une loi des gaz dilués, disons, des gaz normaux. Oui. Bon. Alors, si vous voulez, il y a une loi, la loi de Gay-Lussac, qui est une loi analogue à celle de Dalton, qui consiste à dire que ce ne sont plus les masses qui sont dans des rapports simples et identiques, ce sont les volumes qui sont dans des rapports simples et identiques entre les constituants d'un corps chimique. Bon, il faut par exemple un volume d'hydrogène pour un demi-volume d'oxygène, systématiquement. Donc ces deux lois sont un petit peu différentes, et elles ont vraiment posé un problème sur lequel je ne veux pas revenir là-dessus, mais oui, qui nous a obligés, qui a obligé les scientifiques à faire la différence entre atomes et molécules. Sinon, ça devenait incompréhensible. Et on a compris que l'oxygène, par exemple, à l'état naturel, est composé de deux atomes. La molécule d'oxygène est composée de deux atomes d'oxygène. Du coup, toutes ces lois devenaient transparentes et applicables. France Culture, Continent Science. Stéphane Deligeorge. Suite donc de cette histoire de l'atomisme et puis d'un de ses héros, qui est le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre de, pour l'instant, molécules, dans une enceinte ou un volume fermé, et qui, quelle que soit la nature donc de ces molécules, eh bien, est un nombre qui est constant, équivalent, et qui forme donc un nombre bien défini, qu'on appelle le nombre d'Avogadro. C'est ainsi qu'on peut le faire. Alors, s'il fallait avancer dans cette histoire, qu'est-ce qui a été le plus important ensuite ce qui a fait que cette cause a gagné? Qu'est-ce qui a été le plus important à vos yeux et dans votre histoire? Je vous pose la façon de façon très ouverte, parce qu'après on entrera dans plus de détails. Deux mots des objections des physiciens. Oui. Ce qui me paraît très important. Absolument. Et, bon, ils ont repris évidemment les mêmes objections que les chimistes. Que les chimistes, oui. Rappel, etc., des quantités non vues. Mais surtout, il y avait deux objections majeures portées par des grands physiciens qui sont, la première objection, enfin, elles sont très voisines pour nos auditeurs, c'est l'idée suivante. Si le mouvement, tous les mouvements dans la matière s'expliquaient par des chocs permanents de molécules ou d'atomes entre eux, il s'agirait de chocs mécaniques obéissant aux lois de Newton. Ce sont des lois qui sont réversibles. Oui. Et donc, or... Selon le temps. Oui. Quand on renverse le sens du temps, on devrait revoir le même mécanisme. Bon. Or, les lois de la nature ne sont pas réversibles. J'ai une très jolie citation, si vous me laissez le temps de la lire. Avec plaisir. D'Ostwald, qui est un grand monsieur, et qui dit, en gros, la proposition selon laquelle tous les phénomènes naturels peuvent être finalement réduits à des phénomènes mécaniques, c'est-à-dire atomiques, n'est même pas envisagée à titre d'hypothèse de travail. C'est simplement une erreur. Toutes les équations de la mécanique possèdent cette propriété, qu'elles admettent l'inversion du signe du temps. Autrement dit, des processus théoriquement parfaitement mécaniques peuvent se dérouler aussi bien à l'endroit qu'à l'envers dans le temps. Ainsi, un monde purement mécanique ne pourrait, contrairement au nôtre, contenir un avant et un après. Là, c'est très joliment dit. L'arbre pourrait redevenir bourgeon puis graine, le papillon se retransformer en chenille et le vieil homme en enfant. La doctrine mécaniste, etc., etc. Oui. C'est merveilleux, ça. Bah oui, c'est merveilleux parce qu'il y a une objection très forte. Oui, mais il y a tout, et en particulier, il y a quelque chose de très. Il y a deux choses, à mon sens, qui sont très importantes. Et on va peut-être arriver assez rapidement donc à donner la solution pour camper. Ostwald et comme d'autres à son époque sont dans un camp, les énergétistes, et leur champion, toute catégorie, qui était un opposant à celui qui va être notre héros d'une certaine manière dans un premier temps et qui sera suivi par le second héros, qu'on s'en doute, ça va être à nouveau le petit tonton Albert dont on fête cette année donc la découverte de la relativité générale. 2015. Là, ça se reportera à 2005. En tout cas, ce qui va se passer, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il y a des énergétistes. Et donc, évidemment, toutes ces histoires d'atomes ne tiennent pas debout. Il n'y a que les flux de cette espèce de substance permanente qui est l'énergie, qui se distille, qui a un certain nombre de lois, des lois de la thermodynamique, comme la préservation donc de l'énergie, ainsi de suite, qui peut sans souci, par exemple, être transformée de l'énergie chimique en énergie électrique, ainsi de suite, pour lui donner figure, dans son premier principe. Et donc, ça c'est le camp des énergétistes, et l'autre camp, c'est le camp des atomistes. Bon, quand je disais, on vient par la fin, parce que c'est peut-être par la fin que ça devient intéressant, ce que je trouve, moi, en tout cas, d'absolument spectaculaire, c'est que dans cette année miraculeuse, comme on l'appelle, de 1905, parmi les cinq articles d'Albert Einstein, il y en a un sur le mouvement brownien. C'est-à-dire d'observation d'un déplacement, on va y vite y revenir, je vous laisserai expliquer, hein, mais le mouvement brownien, c'est l'observation au microscope fait par un botaniste de graines de pollen qui sont agitées d'un mouvement permanent dont il essaie de comprendre si elles ont une direction, quel type de trajectoire. Un botaniste, c'est curieux ça. Hein. Et donc il y a ce mouvement brownien et qui, dans les mains d'Albert Einstein, va de manière macroscopique et par une subtilité, faire quoi? Eh bien, révéler la réalité des atomes, c'est-à-dire trouver un pont fort entre cette réalité microphysique, atome, molécule, et la réalité macroscopique qu'on observe quand, comme Brown, le botaniste, sous son microscope, regarde des pollens, mais il regarde aussi des particules minérales. Alors, est-ce que là, c'est pas une sorte de chef-d'œuvre, de grand moment, de malice? On peut dire ça. Oui, bien sûr, c'est un des exemples. Oui, le grand mérite de Brown, c'est pas d'avoir vu le mouvement brownien, évidemment, mais c'est d'avoir compris que c'était pas des petits animaux. Mais c'est pas des vivants. On pensait que c'était des petits animalcules et que les papilles s'agitaient, donc il a compris que c'était pas des cirons animés. Oui. Et alors, ce qui est curieux, c'est que les physiciens ne sont pas tellement intéressés à cette violation de principes fondamentaux de physique. On a l'impression qu'il y a une création d'énergie. Oui. Avec ces, bon. Comme perpétuel. Oui, une espèce de mouvement perpétuel. Oui. Ça les gênait. Ils n'ont pas vraiment regardé ça. Bon, Einstein et quelques autres quand même ont regardé. Et effectivement, l'explication lumineuse d'Einstein, c'est que si les atomes existent ou si les molécules existent, c'est le choc des molécules sur les toutes petites particules dont la résultante est aléatoire. Donc, si les particules étaient suffisamment grosses, la résultante ne serait pas aléatoire, il y aurait une espèce d'annulation. Mm-hmm. Mais si elles sont suffisamment petites, si vous voulez, quand vous tirez à pile ou face un petit nombre de coups, ben vous aurez davantage de pile ou davantage de face, vous n'en aurez pas autant. Là, c'est exactement la même chose. Les chocs vont dans tous les sens, mais il n'y en a pas suffisamment pour que la résultante soit nulle. Et donc, les particules vont dans tous les sens. Donc, il a dit, si on admet cette hypothèse, moi, je vais vous faire des prévisions sur ce qu'est le mouvement des particules browniennes. Il a fait des prévisions, elles se sont avérées exactement vérifiées par Perrin, qui est un très grand monsieur, parce que les mesures n'étaient pas faciles à faire, hein, surtout avec les moyens de l'époque, hein, au microscope et en faisant des dessins. C'est extraordinaire ce qu'a réussi à faire Perrin. Il a montré que les équations d'Einstein étaient parfaitement réalisées. Et ça, c'est ça qui va faire tourner toute la communauté des physiciens. Oui. On va accepter. Sauf Duhaime, qui n'y croira pas. Pierre Duhaime, donc. C'est un grand monsieur. Mais... Très grand monsieur, au point de vue, en tout cas, de l'épistémologie, puisqu'on parle de, là encore, de la position du Quine Duhaime. Quine étant un très grand physicien analytique anglo-saxon, américain, donc. Alors, la première constatation immédiate, c'est que c'est le triomphe, quand même, de la mécanique statistique et de la thermodynamique. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Le changement de panorama. Dans le premier exemple que vous avez donné, Hubert Krivine, c'était des particules individuelles sur lesquelles réfléchissait. Donc, typiquement, ce qui se passe en physique classique, où on regarde le déplacement d'un corps bien particulier. Et là, on est face au monde des myriades. Voilà. Hein, on est au monde des populations immenses, donc on est au monde de la statistique, et on est de face à un monde de probabilité. Et évidemment tout change, malheureusement. Boltzmann s'était suicidé pas très loin de Venise, avant le travail d'Einstein qui l'aurait porté d'une certaine façon en triomphe, en tout cas avec sa théorie atomistique. Surtout que, petite précision, il faut savoir que Ernst Mach et Boltzmann était et professeur de physique l'un à Vienne, l'autre à Berlin, et professeur de philosophie. Oui. Ouh là là, le combat. Et là, Ernst Mach a perdu. Oui. Dans cette affaire. Je voudrais dire un mot sur la myriade, parce que c'est quand même important. Je reviens à mon exemple d'irréversibilité. Si vous mettez une goutte d'encre dans l'eau, vous verrez l'encre se disperser dans l'eau. Oui. Si c'était réversible, disaient les énergétistes, on devrait au bout d'un moment voir l'encre se réagglutiner en une goutte. C'est une objection très forte et tout à fait valable. La réponse est très simple. Oui, c'est mathématiquement possible. Seulement, il faudra attendre. Il faudra attendre très, très, très, très, très longtemps. Il faudra attendre 10 puissance 10 puissance 10. Enfin bon, c'est beaucoup plus que l'âge de l'univers. C'est ça. Pour faire comprendre ça, parce que ça, je crois que c'est la question clé. Oui. Je donne l'exemple. Si vous prenez un récipient que vous divisez en deux parties. Oui. Et vous mettez. Très bel exemple. Vous mettez toutes les molécules à gauche. D'accord. Puis vous ôtez la paroi qui les sépare. Oui. Et vous laissez le gaz se répandre. Le gaz va se répandre et au bout d'un moment, il y aura en gros autant de molécules à gauche qu'à droite. Donc une dilution homogène. Oui. voilà, c'est ce que tout le monde attend. Et si vous filmez ce qui se passe, eh ben vous verrez petit à petit le récipient de gauche se vider au profit du récipient de droite pour arriver à la situation où, en gros, il y a autant de particules à gauche qu'à droite. Bon, ça, c'est nécessairement ce qui arrive ? Ben non, il faut réfléchir un petit peu. Prenez le même récipient, c'est une expérience de pensée maintenant. Supposez qu'à gauche, il n'y ait que deux molécules. Oui. Toutes elles sont à gauche. Bon, et maintenant, vous retenez la paroi. Ben, il y en a une qui va y aller, l'autre qui va y aller, enfin, ça va se balader un peu. Mais au bout d'un moment, très court, il y aura à nouveau deux particules à gauche. Si vous filmez ça, vous pouvez filmer à l'endroit, à l'envers, on aura la même chose. Si vous mettez maintenant trois molécules, c'est un peu plus rare qu'elles soient toutes à gauche, mais enfin, ça va arriver très souvent. Si vous en mettez quatre, ça arrivera plus rarement. Si vous en mettez 10 puissance 23, ça n'arrivera jamais, jamais. Oui. Et donc, dans ce cas-là, le film que vous feriez à l'envers paraîtrait ridicule. On verrait un récipient rempli de façon homogène, petit à petit, se vider au profit du récipient de gauche. Et ça, c'est... Voilà. Donc, c'est un petit peu pour expliquer que la réversibilité, l'irréversibilité est très fortement liée au nombre de constituants. Et le fait que ce nombre vaille de l'ordre de 10 puissance 23 est décisif. Et oui. En d'autres termes, si vous laissez un sucre se dissoudre dans votre café, il faudrait attendre l'éternité des temps pour qu'il se recompose en sucre. Ça a permis d'ailleurs plein de considérations, en particulier le démon de Maxwell, qui joue à des petits jeux rigolos, entre autres. Et en tout cas, ça a introduit un concept donc extrêmement important, dont on peut dire deux mots quand même, qui est le concept d'entropie. Oui. Parce qu'il y a une espèce d'ambiguïté permanente, c'est-à-dire que très souvent, ce concept d'entropie, on ne sait pas très bien, c'est le désordre le plus extrême. Comment est-ce qu'on peut dire ? Vous avez une bonne façon de le présenter. On pourrait dire que c'est un chiffre qui mesure le degré de désordre d'un système. C'est ça. Donc quand vous laissez un système évoluer spontanément, fermer, évoluer spontanément, son entropie va être croissante. C'est-à-dire si toutes les molécules étaient à gauche, vous laissez les molécules vont se mettre dans le désordre maximum. Peut-être ça amusera nos auditeurs, aux élèves de Cachan auxquels je faisais cours, j'expliquais un petit peu ça, l'entropie, la croissance, etc. Et il y en a un qui m'a dit, et je donnais l'exemple du temps nécessaire pour obtenir... Il y en a un qui m'a dit, mais c'est pas le problème de la résurrection des corps, ça, finalement. C'est très joli, quand même. La Bible aurait prévu que, en attendant suffisamment longtemps, c'est ce qu'on appelle les temps de Poincaré, les corps se réintégreraient encore. Bon. Oui. Autre image, là encore, pour insister, puisque la popularisation scientifique joue de la répétition. C'est une bibliothèque qui est parfaitement en ordre. Si on commence à foutre le bordel dans une bibliothèque, on aura un désordre profond, donc il y aura une augmentation de l'entropie absolument considérable. Oui. Et on ne retrouvera plus Flaubert ni Stendhal dans ce bazar-là. C'est une bonne explication. Ça a été essentiel, parce que de toute façon, dernière remarque, il a bien fallu se poser la question des êtres vivants qui, eux, ne tournent pas rapidement, dirigés par la loi. Ah oui, mais attention, les êtres vivants ne sont pas des systèmes isolés. Si vous vous mettez dans un système isolé en fermant bien la porte, etc., je vous garantis que votre entropie va croître très vite. Vous allez mourir. Bien sûr. Mais là, vous mangez, vous respirez, donc c'est ça. Pas du tout la même chose. Il y a un apport d'énergie, il a fallu inventer ce concept de négentropie. Over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Soudain, derrière l'arc-en-ciel, tu es là, la pluie se mêle au soleil et j'ai le cœur qui bat. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find. Derrière l'arc-en-ciel, le ciel. ciel est bleu. Les rêves que l'on fait pour deux promettent des jours heureux. Eh bien voilà, passer et sauter le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie d'Hubert Krivine, toujours en compagnie de sa préoccupation inscrite dans cet ouvrage intitulé « De l'atome imaginé à l'atome découvert ». Tiens d'ailleurs, il parle de l'arc-en-ciel, Newton, hein, la décomposition des couleurs, mais Newton était particulière, c'est-à-dire il croyait aux atomes de lumière, tiens. Oui. Hein. Aux particules de lumière. Aux particules de lumière, oui. En même temps que c'est lui qui a fait les premières expériences pour montrer qu'il y avait de l'ondulatoire là-dedans. Les phénomènes Newton, c'est Newton. Et résultat des courses, de toute façon, c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux à la fois maintenant. Hein. Bon, et voilà. Donc, oui. Vous dites que du contre-intuitif et les calculs méchants de la mécanique quantique. Alors, si maintenant on revient, là encore par redondance, on va peut-être expliquer quand même c'est la loi de... La loi d'Avogadro, on va peut-être dire le nombre de molécules d'un gaz parfait contenu dans un volume V ne dépend pas de la nature. Gaz carbonique, air, oxygène, ainsi de suite, je pourrais continuer la liste. Il ne dépend que de la pression et de la température. Il en découle que le nombre d'Avogadro, le nombre de molécules contenues dans un 1 cm cube à 0 degré sous la pression atmosphérique est une constante universelle. Voilà. Oui. Oui, oui. Il faut être bon. Oui, oui. Si vous voulez, il y a deux définitions. Non, bien sûr, mais il y a deux définitions possibles. La définition moderne actuelle du nombre d'Avogadro, c'est 12 grammes de carbone. C'est le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone. Ça, c'est bon. Maintenant, il coïncide avec le nombre de molécules. Il coïncide à peu près avec le nombre de molécules contenues dans 22,4 litres. Bon, ça c'est une définition peut-être plus facile à comprendre, mais vous voyez, il faut que ce soit dans les conditions idéales, c'est un nombre beaucoup moins bien défini que les 12 grammes de carbone, mais l'ordre de grandeur y est. Oui. De mon temps, par exemple, on disait le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de molécules dans 22 litres 4 d'un gaz parfait. Bon, oui, c'est ça. C'est un peu moins précis que la définition moderne. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on continue à calculer. Alors, on continue à essayer de perfectionner l'incertitude sur ce nombre. Hein. Ah oui, alors ça c'est très joli. Je voudrais faire un tout petit parallèle avec la vitesse de la lumière. Oui, que la vitesse de la lumière oui. soit finie, c'est pas évident. Non. On pensait qu'elle était infinie. Galilée est le premier à s'être posé la question. Oui. Il a trouvé qu'elle était trop rapide pour être mesurée. Puis petit à petit, Römer va réussir à la mesurer à peu près à 200 000 km par seconde. C'était pas très bon. Oui. Et puis petit à petit, on va arriver à une définition extraordinairement précise de la vitesse de la lumière, à tel point qu'elle va servir d'unité de longueur. Bon, la loi maintenant fixe la vitesse de la lumière. Pour le nombre d'Avogadro, c'est presque le même chemin. Il fallait d'abord être convaincu qu'il existe, il fallait ensuite le mesurer, on l'a fait de façon plus ou moins précise, et aujourd'hui on l'a avec énormément de décimales, à tel point qu'on a pensé se passer du kilogramme étalon déposé au pavillon de Breteuil, parce qu'il n'est pas assez précis, je vais revenir là-dessus si vous voulez, et pour remplacer par 12 grammes par définition, c'est la masse du nombre d'Avogadro d'atomes d'hydrogène. C'est ça. On définit la loi maintenant, c'est pas encore fait, mais c'est sur les lèvres, la loi définirait le nombre d'Avogadro maintenant. Donc, ça va venir, puisque de toute façon, les techniques sont de plus en plus perfectionnées, et que là, on a une jolie constante, quoi. Oui, donc, oui. Comme la transition qui sert donc pour le temps hein, dans l'organisation atomique. Donc, ça marche très bien. On verra si on a l'occasion de revenir sur le nombre d'Avogadro, sur l'atomisme. En tout cas, maintenant, c'est une chose acquise. Alors, brutalement, je vous pose cette question par transition, puisque on va s'interroger sur le réalisme et le relativisme. Les atomes, ça existe Hubert Krivine. Hubert Krivine prend son livre. Absolument, parce que je trouve la citation merveilleuse. Elle est attribuée à Léon Lederman, prix Nobel de physique, en 88. La dame dans l'assistance était têtue. « Avez-vous jamais vu un atome ?» insistait-elle. Ma réponse à cette question épineuse commence toujours par une tentative de généraliser le mot « voir ». Finalement, en désespoir de cause, je demande « Avez-vous jamais vu le pape ?» Oui, bien sûr, est la réponse habituelle. « Je l'ai vu à la télévision. » Vraiment. Mais ce que la dame a vu était un jet d'électrons frappant le phosphore étalé sur la face interne d'un écran de verre. Ma preuve concernant l'atome et le quark est tout aussi bonne. C'est merveilleux comme anecdote, effectivement. D'ailleurs, maintenant, Mac disait « Montrez-moi un atome oui. ». Maintenant, on pourrait presque y répondre. On a presque des photos des atomes, si j'ose dire. Mais en fait, la plupart des résultats physiques actuels ne sont pas des résultats directement observables par les sens. Oui, c'est avec le microscope à effet tunnel qu'on va compter, par exemple. On peut le voir. Oui. Donc, on peut le voir, entre guillemets. Mais oui, qu'on peut le voir, bien sûr, entre guillemets. Mais maintenant, c'est tout à fait général. Les ondes électromagnétiques, vous ne pouvez pas les voir. Mais quand vous écoutez votre poste radio, vous êtes vraiment convaincu qu'elles existent. Parce que c'est bien grâce à elle que votre poste de radio peut fonctionner. Évidemment, si on n'avait pas la théorie quantique, on n'aurait pas de transistor. Absolument. Et donc, si quelques sorciers écoutent un transistor et entend parler dedans, à moins qu'il apprenne la théorie quantique, il n'aura pas d'explication donc pour la chose. Mais peut-être qu'on peut rajouter tout de suite aussi. Je vous ai posé la question, Hubert Krivine, qu'est-ce qu'un atome? Est-ce que ça existe vraiment? Comment le voyez-vous? Je crois que on ne peut, là encore, première distinction absolument nécessaire, c'est que les objets qui composent donc les théories ne peuvent pas être envisagés sans les théories dans lesquelles s'insèrent les objets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet brut, il n'y a pas d'objet. Les objets, poser la question des objets, c'est d'abord poser la question de l'espèce de filet théorique jeté sur la nature, et qui va donc décrire des objets. Parce que je pourrais dire, par exemple, est-ce que un champ électromagnétique vide de toute particule, c'est un objet? Bien sûr que c'est un objet. Épistémologiquement, c'est un objet. Il est là, je dirais. Eh bien, c'est un objet. Je dis ça pour forcer les choses. Parce qu'on a une représentation intuitive d'un petit morceau de caillou, quand on parle de l'atome, petit caillou. D'ailleurs, tout ça, il y a un problème de niveau, si vous voulez, de niveau de conception. Prenez n'importe quoi, prenez ce stylo bille. Si vous approchez suffisamment près du stylo bille, vous n'aurez plus exactement une surface du stylo bille. Il y aura des atomes, du vide, etc. Mais pour la vie courante et pour ce que vous voulez en faire, le stylo bille est là, point. Et ça me suffit largement. Si maintenant je fais de la physique nucléaire ou d'autres choses, alors là, il faudra que je rentre un petit peu dans les détails. C'est ça. Mais je vois pas là tellement de problèmes, peut-être parce que je ne suis pas philosophe, je ne vois pas là de problèmes majeurs, disons, au bon sens, de ce point de vue-là. Vous avez changé de théorie à chaque fois. Et vous avez changé de théorie de niveau, d'échelle. De niveau, donc oui, à chaque niveau d'échelle, il y a une théorie particulière, avec donc des opérations particulières, ainsi de suite. Alors, pour conclure, et nous allons suffisamment de temps encore, la question du relativisme et la question du réalisme. Position simple du réaliste, c'est quand que je tourne le dos à la Lune, elle continue d'exister. Oui, plus personne ne dit ça quand même. Non, mais pour caricaturer, me faire comprendre. D'accord. C'est-à-dire que on peut affirmer de façon absolument forte que ça n'est pas dans mon cerveau qu'existent les choses, mais il y a bien une réalité indépendante à nous. Et donc, quand on parle de la nature, on parle de la nature, ce qu'on a sous les yeux, l'objet de notre perception. Et quand on parle de l'enquête scientifique, c'est la représentation particulière d'un secteur à une certaine échelle, oui, de la représentation scientifique de la nature que l'on s'en fait. Vous acceptez cette définition? Oui. Enfin, la nature, c'est toujours des questions qu'on lui pose et puis la réponse qu'elle peut. Et comme nous comprenons sa réponse, la nature, c'est pas une entité, magique. Non. Mais c'est elle qui résiste. Oui. Ben peut-être pour parce que je crois que chez les relativistes, le point qui me, je crois que le défaut essentiel du relativisme, c'est de confondre le concept de vrai et de reconnu vrai. Oui. Et ça, c'est permanent. Je pense à Bruno Latour, je pense à Isabelle Stengers. Oui. Je peux vous donner une citation, mais qui est pas du tout tirée du contexte. C'est exactement ça, et on retrouve aussi la même ailleurs. Il faut la lire attentivement. Un concept n'est pas doué de pouvoir, ça c'est Isabelle Stengers, n'est pas doué de pouvoir en vertu de son caractère rationnel. Il est reconnu comme articulant une démarche rationnelle parce que ceux qui le proposaient ont réussi à vaincre le scepticisme d'un nombre suffisamment d'autres scientifiques, eux-mêmes reconnus comme compétents. Donc vous voyez, un concept n'est pas doué de pouvoir en vertu de son caractère rationnel. Il est reconnu comme articulant une démarche rationnelle parce que cette proposition a été acceptée en gros par la majorité des scientifiques. C'est une idée qui ne choque pas, enfin qui moi me choque énormément, mais bien qui sûr, dans la vie courante est acceptée. Et elle est démontrée. Par exemple, on vous dit, bah oui, la physique d'Aristote par exemple a été acceptée pendant 15 siècles, or elle est archi-fausse. Et donc ça illustre bien ce que dit Isabelle Stengers. Un concept n'est pas doué de pouvoir en vertu de son caractère rationnel. Il est reconnu, etc., parce qu'une majorité de scientifiques l'acceptent. Et la physique d'Aristote, elle est vraiment très fausse. On peut revenir dans le détail. Oui, oui, oui. Bon, non, ça, je ne vais pas convaincre l'auditeur de ça. Mais malheureusement, cette phrase est fausse. La première phrase est fausse et la deuxième est une trivialité. La première phrase dit « Un concept n'est pas doué de pouvoir en vertu de son caractère rationnel ». Ben, c'est pas vrai. La physique d'Aristote a un caractère rationnel, évidemment. Si vous mettez une boule de billard sur un billard et vous lui donnez un choc, la boule va finir par s'arrêter, quelle que soit la composition du billard, quel que soit le choc que vous avez donné. Et donc, la physique d'Aristote qui dit que pour qu'il y ait un mouvement, il faut une force, elle semble justifiée. Les corps graves tombent bien en fonction de leur position naturelle. Oui, enfin, je pourrais multiplier ça. Donc, c'est pas vrai. La deuxième phrase ensuite, le concept est reconnu comme articulant une démarche rationnelle parce que ceux qu'il proposait ont réussi à vaincre le scepticisme d'un nombre suffisant d'autres scientifiques eux-mêmes reconnus comme compétents. Ben, ça veut dire simplement qu'il est reconnu vrai parce qu'une majorité de gens l'a reconnu tel. C'est une lapalissade, évidemment. On peut pas dire autrement. Et on trouve chez Bruno Latour exactement la même chose. Il dit, même si vous avez écrit un article qui prouve de manière définitive que la Terre est creuse ou que la Lune est faite de fromage de Roquefort, cet article ne sera pas définitif. Alors ça veut dire vrai, ça veut dire reconnu vrai, tant qu'il ne sera pas repris par d'autres et utilisé ultérieurement comme un fait établi. Donc il y a encore une confusion entre vrai et reconnu. Oui, alors il y a une distinction qui est faite en épistémologie, qui est très fréquente, qui est très courante, qui est très admise, c'est le contexte de découverte et le contexte de justification. Bon, contexte de découverte, à l'évidence, les scientifiques ne sont pas des anges, mais l'attitude de grosso modo de la sociologie des sciences version relativiste, parce qu'il n'y a pas que Bruno Latour, ils sont quelques autres, bien évidemment, et puis le relativisme s'étend aussi à la morale, aux valeurs, aux normes, ainsi de suite. Et chaque fois, ça va s'opposer à quelque chose qui correspond, grosso modo, en d'autres termes, parfois, au réalisme. En tout cas, donc, c'est que, évidemment, il y a des controverses, évidemment, il y a des luttes qui sont des luttes conceptuelles, mais tout ce qui est du scientifique, dans le cas des auteurs que vous citez, bah c'est, on n'en parle pas. C'est-à-dire que c'est dans la boîte noire des sciences, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est comment ils s'engueulent, comment ils cherchent à avoir des budgets de recherche, comment ils font des alliances, par exemple. Comment le microbe a été inventé? Eh bien, par une alliance entre les découvertes de Pasteur et le courant des hygiénistes médecins. Vous dites inventé, pas découvert. Oui, parce que, bien sûr. Et donc, le microbe devient un artefact social. Donc, c'est pas tenable. Je veux dire que quand on a le rhume, ça coule. Et donc, on a un artefact social qui nous coule du nez. C'est étrange, ça, quand même. Non, c'est un microbe. On va être dans le positivisme niais, mais on va dire ça. Alors, ça peut, évidemment, ça fait du mal aussi des positions de ce type-là, parce que ce relativisme, il s'est étendu, en particulier, on a pu le voir, au débat sur la climatologie. D'un seul coup, après tout, les gens du GIEC, c'est un combat de spécialistes qui ont fini de manière stalinienne à s'organiser entre eux, à former une petite mafia et qui veut imposer ses résultats tout à fait incertains et non prouvés. Et de plus, la confusion a été extrême parce que le relativisme, par exemple le relativisme culturel, fait que, eh bien, la théogonie des Yanomami est vraie. Elle est vraie parce qu'elle est vraie pour cette population. Et donc toutes les théogonies, et la nôtre, elle est scientifique, c'est la cosmologie, eh bien c'est un récit comme un autre. Une narration. Une narration, ça c'est, voilà. Or, ça, on ne peut évidemment pas éviter la notion de résultat vrai pour un temps donné. Et d'ailleurs, on perd cette idée du distinguo, là, qu'il faut faire entre religion et science, puisque la science a cette particularité d'être le corpus des résultats avérés à un instant T. Vous bougez vos papiers. Oui, donc je voulais vous citer. Hubert Grévin, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que c'est la vérité des sciences est biface ou bifronce. C'est une vérité qui peut demain être contrariée, voire totalement abolie. Dieu soit loué, si j'ose dire. Ça la distingue de la vérité révélée, bien sûr. Oui. Non, ben, la caricature de ça, c'est le fameux article de Bruno Latour sur Ramsès II, est-il mort de la tuberculose? Oui. Bon. Puisque le microbe n'avait été découvert que 2000 ans plus tard. Oui. Bon, donc il pose gravement la question. C'est quand même bon, voilà. Oui, parce que Monsieur Koch n'avait pas trouvé encore le bacille qui correspond. Hein. Il n'avait pas fabriqué. Il n'avait pas fabriqué. C'est quand même, si vous voulez, répondu à ça, la même chose sur l'Amérique. L'Amérique a été découverte, elle n'a pas été fabriquée. Alors on me dira, le microbe c'est tout petit et l'Amérique c'est très très grand, donc c'est pas la même chose. Mais ça c'est une réponse naïve, parce que si vous allez à Brest, vous ne voyez pas l'Amérique. Pour voir l'Amérique, il faut vous en approcher. Il faut la caravelle, en quelque sorte. Mmh. Le microbe, ben vous avez un microscope pour ça. Le microscope, c'est la caravelle, en quelque sorte, du biologiste. Mais c'est de même nature. Et le microbe et l'Amérique existaient avant leur découverte. Ça me paraît tellement plat et banal, ça, que ben voilà, mais un grand sociologue des sciences peut vous affirmer des choses comme ça. En fait, une catégorie bien particulière de sociologie des sciences, parce qu'il y a évidemment intérêt à regarder comment se font les choses. Et puis il y a des tas d'autres cas particuliers. Je prends celui-ci, puis après je vous poserai une question qui sera peut-être votre conclusion, parce qu'il y a tellement vous avez une présentation tellement non positiviste, sectaire et scientiste de présenter les choses qui sont fines, nuancées, ainsi de suite, que on peut pas vous faire passer pour un positiviste niais avec ses grosses chaussures. Vous êtes certainement pas un descendant du psycho-rigide Berthelot, hein. Pour qui la science va tout découvrir et tout expliquer. Bien. Si on regarde, dernier exemple, la passation entre en particulier l'incommensurabilité des théories. Oui. Bon. Si on regarde ce qui s'est passé entre le passage entre Newton et Einstein, eh bien, de passer du newtonianisme à la relativité d'abord restreinte puis générale, ça n'est qu'un problème d'une certaine manière, d'un certain point de vue, d'échelle. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des vitesses considérées qui sont de petites vitesses dans la mécanique classique reste vrai. Bien sûr. Oui. Et que c'est dans ce cas-là, la proportion soit des populations engagées observées, soit des considérations de vitesse qui font que ça s'emboîte. Donc il n'y a pas de rupture et il n'y a pas un camp qui gagne contre l'autre. Non, évidemment, bien sûr que non. Moi, j'ai jamais été convaincu par cette affaire d'incommensurabilité des paradigmes. Ça me paraît une porte ouverte. Peut-être donc, je voudrais dire un mot sur... j'ai pris dans mon livre un exemple que j'ai emprunté à Susan Hack, qui est une philosophe anglaise ou américaine d'ailleurs, qui dit que la science progresse un peu comme les mots croisés. Mm-hmm. C'est-à-dire quand on veut changer un mot dans un mot croisé, quelquefois on peut le faire à bon marché, quelquefois il faut tout refaire. Mm-hmm. Elle veut dire par là que ce qui fait la force d'un énoncé scientifique, c'est sa façon de s'accrocher à tous les autres résultats scientifiques réputés vrais. Bon, en d'autres termes, le poids d'une connaissance s'alourdit du poids de toutes les autres connaissances. Alors, c'est un parallèle intéressant, parce que quand vous commencez un mot croisé, vous pouvez changer facilement des mots. Ça coûte pas cher. La science à ses débuts, si j'ose dire qu'il y a un sens au début de la science, vous pouviez changer pas mal de choses, ça coûtait pas cher. Aujourd'hui, ça coûte très cher. Les physiciens qui ont cru découvrir que les neutrinos allaient plus vite que la vitesse de la lumière sont heurtés quand même à pas mal de choses. Bon. Mais. Et tout venait d'une fibre optique, oui, je trouve que c'est un très joli exemple, mais je voudrais insister sur une différence quand même. Ben vous avez le concept, hein, c'est l'intrication des disciplines. Oui, je suis d'accord, bien sûr, ça je crois que c'est très très important, mais je voudrais insister sur une différence peut-être en conclusion, c'est que il y a une différence entre la recherche scientifique et le roman policier. Oui. Dans un roman policier, on peut faire la palissade suivante: plus vous connaissez de choses, moins vous en ignorez. Oui. C'est une palissade que je pourrais confier à nos amis relativistes. Bon. En science, non. Oui. En science, c'est presque le contraire. Plus vous connaissez de choses, plus vous découvrez que vous n'en savez pas. Le plus bel exemple, peut-être, c'est la matière noire et l'énergie brune, ou l'énergie noire. Oui. On sait maintenant, mais à la suite de pas mal de travail, donc de connaissances, qu'on ne connaît que 5 à 10%, enfin, peu importe les chiffres, de la matière et d'énergie qui nous entourent. Tout ce qu'on peut raconter sur les atomes, etc., ça correspond peut-être à 5 ou 10% de ce qu'on sait. Donc, vous voyez que le mystère, en quelque sorte, de la science, il n'est pas simplement à laisser aux mystiques. Hein. Il y a énormément de travail à faire là-dessus. On a presque l'impression, on pourrait dire, oui, on a presque l'impression que chaque nouveau résultat apporte un continent de problèmes. Ou d'ignorance. Oui, absolument. Quelqu'un observe, en regardant les galaxies, qu'il y a non seulement expansion de l'univers, mais il y a une accélération de l'expansion. Oui. On se demande, tiens, ben alors, il doit y avoir une énergie bizarroïde qu'on n'a pas trouvée. Voilà, et voilà, tout le monde est au boulot à essayer de proposer hypothèse sur hypothèse. Oui. Eh ben, écoutez, mille merci. C'était trop court, Krivin, pour parler de l'atome imaginé à l'atome découverte sous titre Contre le relativisme, publié aux éditions de Box. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent et sont toujours les bienvenues. Aujourd'hui, à la technique Ariane Herbé, pour la documentation bien sûr, l'indispensable Henri Leblanc, à la réalisation d'Annie Journeau. Stéphane Delisgeorge, Continent Science et balado diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez bien sûr au site internet franceculture.fr et là, vous pouvez nous télécharger à votre bon goût.